chérie, c'est pas à rien. C'est parce qu'on se monte de bien. Tout ça nous semble pour bien. C'est ta bonne déclaration. Et qu'on fait mon position. Moi qui ai une disposition. Ou qui n'ai pas une décision. Comme des pigeons, à profiter des convictions, comme ça qu'est bénédiction. Et même chérie, pour me remettre en tout, je vais naviguer comme des pigeons, à profiter des convictions, comme ça qu'est bénédiction. M'a marié maman, moi, m'a marié chérie, m'a marié maman, moi, m'a marié chérie, oh, bien disposition, comme capable de marier, moi, pour décision, moi. Marié, oh oh, mais oui maman, maman, m'a marié, mais oui maman, oui, et là oui, maman est pas ça, mais maman la flamouille, mon verre pour moi, maman, besoin de toi, maman, maman, maman, maman, oui maman, oui maman, oui maman, oui maman, oui maman, oui maman, oui maman, pas ton. Mais qui l'a monté marié, papa? La suite est ça.